jeune compositeur américain Richard Reed Perry a fait du battement de cœur la source de son concept de composition pour toute une série d'œuvres intitulées simplement For Heart and Breath. Extrait de l'émission Le Cri du Patchwork du 13 mars 2016, présenté par Clément Lebrun. Chaque interprète est doté d'un stéthoscope et doit ainsi suivre son battement de cœur individuel tout en suivant la partition et en réagissant aux mouvements de respiration de ses collègues. Richard Reed Perry crée ainsi une polyphonie de rythmes cardiaques transposés aux instruments. Une polyphonie mouvante, comme autant d'individus l'interprétant. Déjà en 1971, Heinz Holliger avait imaginé de mettre à l'épreuve le corps de l'interprète en l'obligeant à s'écouter. Dans Cardiophonie, il dote le musicien de micros de phonocardiogrammes pour que le battement de cœur soit capté et diffusé dans la salle. Le musicien joue ainsi en fonction de son stress, de son trac ou de sa quiétude au fil des battements de cœur et de ses respirations. Cardiophonie de Heinz Holliger pour hautbois, chœur et trois bandes magnétiques est ici interprété par Vinko Globokar dans une version pour trombone donnée au premier festival des rencontres d'art contemporain de La Rochelle en 1973. Je suis